La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 1er, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile Edmond Cessé. Introduction à la Cité de Dieu. Argument général des livres de la Cité de Dieu, tiré des rétractations. Rome ayant été prise et saccagée par les Goths, sous la conduite de leur roi Alaric, les adorateurs des faux dieux, que nous appelons païens, rejetèrent ce désastre sur la religion chrétienne et se mirent à blasphémer le véritable Dieu avec plus d'amertume et de violence qu'à l'ordinaire. Ce fut alors qu'enflammé de zèle pour la maison du Seigneur, j'entrepris de combattre leurs blasphèmes ou leurs erreurs en écrivant la Cité de Dieu. Ce travail m'a occupé pendant plusieurs années, parce qu'il me survenait un grand nombre d'affaires que je ne pouvais ajourner où il fallait mettre ordre sans retard. Mais enfin, j'ai terminé les 22 livres qui composent ce grand ouvrage. Les 5 premiers réfutent ceux qui s'imaginent que les prospérités temporelles sont attachées au culte des dieux du paganisme et qui voient dans l'abolition de leurs autels la cause de tous les malheurs de l'Empire. Les 5 livres suivants sont contre ceux qui, tombant d'accord que les calamités de ce genre n'ont jamais été et ne seront jamais épargnées au genre humain, et qu'elles recommencent toujours, tantôt plus grandes et tantôt plus petites, sans autre diversité que celle des temps, des lieux et des individus, se rejettent à soutenir que le culte des dieux est utile pour la vie future. Les 10 premiers livres ont donc pour objet de réfuter ces deux opinions chimériques, ennemis de la religion chrétienne. Mais, pour prévenir le reproche d'avoir combattu les sentiments d'autrui sans établir les nôtres, j'ai employé à cet objet la seconde partie de l'ouvrage, qui comprend 12 livres. Du reste, tout comme, dans les 10 premiers, j'expose au besoin notre croyance, je ne manque pas non plus, dans les 12 derniers, de réfuter, quand il le faut, les opinions de nos adversaires. Les 4 premiers de ces 12 livres contiennent la naissance des deux cités, celle de Dieu et celle du monde. Les 4 suivants, leur développement ou leur progrès. Les 4 derniers, la fin où elles doivent aboutir. Et ces 22 livres, bien qu'ils traitent également des deux cités, ont toutefois emprunté leur nom à la meilleure, en sorte qu'on les appelle de préférence les livres de la Cité de Dieu. Au 10e livre, il ne fallait pas signaler comme un miracle cette flamme du ciel qui courut entre les victimes dans le sacrifice d'Abraham, puisqu'il n'y eut là qu'une vision. Au 17e livre, au lieu de dire, en parlant de Samuel, qu'ils n'étaient pas des enfants d'Aaron, il fallait plutôt dire qu'ils n'étaient pas fils du grand prêtre. En effet, c'était la coutume que les grands prêtres eussent leur fils pour successeur. Or, le père de Samuel était sans doute des enfants d'Aaron, mais il ne fut pas grand prêtre, et je dis qu'il était des enfants d'Aaron, non qu'il fût engendré immédiatement de lui, mais au même sens où tous les Juifs sont appelés enfants d'Israël. Cet ouvrage commence ainsi, « Je viens défendre la Cité de Dieu ». Markendanarchive.org, 2019, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.